Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Denis Veilleux. C'était l'ouverture du tournoi Mario Tremblay hier en Allemagne et en junior 2A, défaite des Sabres de Robertval 4-1 sur les Saguenay de Chicoutimi. Et les Épervilles Normandais ont gagné 6-4 sur les Aiglons d'Allemagne. Niveau du junior A, maintenant, le Pro-Lam de Saint-Félicien a perdu 3-2 sur le National de la Baie. Le Royal de Medemetchon et le Pro-Lam de Saint-Félicien se sont livrés un verdict nul de 2-2 dans un match régulier également de la Ligue Junior 2A. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec Pascal Jobin, où on fait un peu la chronique de la NBA. Daniel Brière vient nous parler de son livre Mr. Playoff qui a été lancé cette semaine. Également, je me suis entretenu aussi hier avec Robin Bouliane, l'instructeur-chef des Castors de Delbeau, ainsi que également l'instructeur-chef des Sables de Robertval, Patrice Gagnon. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.